France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Mystérieuse, la France, et comment ? Mystérieuse, la France souterraine, peut-être encore plus. Il est vrai que par définition, la lumière ne pénètre pas en sous-sol. Elle n'y pénétrait pas il y a des milliers d'années lorsque des individus nous ressemblant sans doute quelque peu créaient, dessinaient au fond des cavernes. Oui, des peintures vieilles de 15 à 20 000 ans. La lumière n'y pénètre pas, donc, dans ces grottes. Mais la radio, si. Et la radio se posait de bonnes questions sur les rites magiques, les rites d'envoûtement, les incantations auxquelles se livraient certainement nos très lointains aïeux. Visite de la grotte de Montespan par Jean Quittard, qui rencontrait en 1945 le spéléologue et écrivain Norbert Casteret et s'enfonçait avec lui dans des profondeurs mystérieuses. Norbert Casteret est le plus intrépide des explorateurs de cavernes. À Saint-Gaudens, où il habite, les habitants parlent de lui comme d'un sorcier et chacun prévoit que cet homme audacieux finira par ne plus revenir un jour des grottes dans lesquelles il s'aventure. J'ai vu Norbert Casteret. C'est un homme plutôt petit, dont les yeux malicieux brillent derrière des lunettes. Je lui ai demandé comment lui était venue cette vocation de spéléologue. Ce qui m'a poussé dans les cavernes, c'est incontestablement la lecture du voyage au centre de la Terre de Jules Verne que j'avais eu étant enfant comme petit. Et quelle est la grotte qui a été la plus dangereuse à explorer ? Il est difficile de dire qu'elle a été la plus dangereuse, qu'elle a été l'exploration la plus mouvementée, mais une de celles qui m'ont laissé le souvenir le plus vif, car ça a été ma première découverte importante, c'est l'exploration de la rivière souterraine de Montespan. Dans cette rivière souterraine, j'ai eu le plaisir, du moins le privilège, de découvrir des vestiges préhistoriques de tout premier ordre, après m'être livré à une gymnastique un peu spéciale qui consistait à franchir des siphons, c'est-à-dire à s'immerger sous des voûtes, elles-mêmes immergées sous l'eau du cours d'eau souterrain. À deux reprises, j'ai dû ainsi plonger sous la roche immergée pour continuer et pour découvrir une caverne de 1500 mètres de long qui traverse de part en part la montagne. Caverne de Montespan, où après avoir franchi quelques dizaines de mètres, sous une voûte qui n'a pas plus de 1 mètre de haut et environ 3 mètres de large, nous arrivons maintenant devant une flaque d'eau roumée. Il y a un virage assez dangereux là, M. Casteret. Qu'est-ce que c'est ? C'est le premier siphon dont vous m'avez parlé. C'est le vestige de l'ancien siphon, mais il n'y reste pas beaucoup d'eau. Vous voyez, le plafond est bas. Vous voyez la trace, le niveau de l'eau, oui, qui arrivait à la voûte. Alors c'est ici qu'il fallait autrefois s'immerger selon le niveau de l'eau, soit jusqu'au-dessus de la tête, soit jusqu'aux épaules. Et aujourd'hui, nous aurons passé plus facilement, simplement en pataugeant un peu en de l'eau jusqu'au genou. Nous allons franchir cette mare, là. Oui, nous allons franchir cela, ensuite nous serons dans le lit fossile du ruisseau. Bon, eh bien, alors allons-y, traversons. Oh, c'est beau, froide, c'est tout. Donc. Ah, eh bien, nous voici sortis de la mare maintenant, et puis la voûte s'élève, nous arrivons même dans une sorte de salle, n'est-ce pas ? Le plafond a maintenant la voûte, a maintenant 3 ou 4 mètres d'eau. C'est assez curieux que l'on passe comme ça d'un paysage tout à fait différent par rapport à celui que nous venons de voir. Comment expliquez-vous ça, M. Casteret ? Bien, ça, c'est la première salle de la caverne, n'est-ce pas ? Les cavernes se caractérisent justement par des changements de décor, de direction et de hauteur des voûtes. Ça, c'est très capricieux, ça tient à la nature de la roche, souvent, ou au travail des eaux souterraines. Ici, l'eau a dû tourbillonner pendant longtemps et il y a eu des écroulements de voûtes. Alors ici, nous avons une véritable nef. Plus tard, nous retrouverons de nouveau la galerie à peu près horizontale avec un plafond de 3 ou 4 mètres de haut. Bon, très bien. Allons un peu plus loin. Alors, pour voir, je crois, les pièces rares, donc on va les faire. Moi, c'est moins commun de marcher ici dedans que même dans un couloir de métro à Paris. Ah, voici quelque chose devant quoi vous vous arrêtez. Ça doit être sans doute une pièce rare. Qu'est-ce que c'est? Voilà, que ça, c'est la première gravure de la caverne. Là, sur cette paroi très accidentée, n'est-ce pas, tout abîmé, oui, vous voyez une silhouette de cheval. Il y a beaucoup de chevaux gravés à la grotte. Voyons, attendez. Et alors, ce cheval est là, n'est-ce pas, sur la paroi. Voyez là, la tête, là, n'est-ce pas, l'encolure. Ah, avec bon, la crinière, oui. On voit la ligne du dos, oui. La croupe, on voit la ligne du ventre, les pattes ont l'air négligées ou effacées. La tête également est émoussée. Il faut tenir compte que ces gravures sont évidemment très vieilles, puisqu'elles sont à peu près de 15 à 20 000 ans d'ancienneté, et ils ont quelques excuses à être un peu émoussées. Oui, évidemment. C'est assez extraordinaire que les hommes qui vivaient à cette époque-là aient eu des soucis artistiques aussi caractérisés. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette motte d'argile là, autour de laquelle je vois des petits tessons de porcelaine là, de vaisselle? C'est vous qui avez fait ça sans doute? Oui, ça c'est une sauvegarde un peu que j'ai ménagée autour de ces vestiges qui ne sont pas très apparents, n'est-ce pas? Mais tout de même, vous allez distinguer. J'ai mis là des morceaux de porcelaine en art de cercle pour entourer ces vestiges de modelage, car nous sommes ici devant une statue modelé en argile représentant un tigre ou un lion des cavernes. Ah oui, je vois, les pattes de devant là, sont assez... Mais on ne voit que le poitrail et le cou, une partie, la tête manque toujours. Voilà, la tête n'existe pas, mais le poitrail, les épaules et les pattes de devant sont en effet très nettes, et vous pouvez remarquer que le poitrail est criblé de coups de pieux, pieux ou de lance, n'est-ce pas? On s'est livré sur cette statue en argile à des incantations magiques, à des rites d'envoûtement qui sont bien connus en préhistoire. Autant préhistorique. Tout le reste de l'animal s'est effondré sous son propre poids, tout le flanc, n'est-ce pas, et la croupe de l'animal s'est effondrée, malheureusement, peut-être même sous l'action des coups de lance des hommes. Ce sont les éboulis que l'on voit là, tout à côté. Oui, ce sont ces grosses mottes, n'est-ce pas, plus ou moins informes, un peu modelées, illustrées, que vous voyez, qui parsèment le sol. Bon, bien, si vous voulez bien, allons un peu plus loin, car je voudrais tout voir si le câble me permet d'aller jusqu'au bout, car nous avons déjà parcouru au moins 120 mètres dans cette caverne. Ah, nous arrivons devant autre chose. Là, voilà. Qu'est-ce que c'est que oui, ça? Oui, alors ici, vous avez la pièce capitale de la caverne. C'est l'ours en argile. L'ours acéphale, un ours en argile qui a été modelé là. Vous voyez, il est couché. Il est dans la position du sphinx d'Égypte. Vous voyez ses pattes de devant projetées en avant. On voit même, on a eu le souci de faire paraître les griffes. Et où donc, voilà. Tenez, là, sur le sol, là, avec une lumière frisante, là, vous voyez les griffes. Parce que, entre deux, M. Casteret, vous dites que c'est un... Un ours, mais pour moi, c'est une masse informe d'argile. Oui, évidemment, ce n'est pas, le galbe n'est pas merveilleux, puis nous sommes mal éclairés aussi avec nos lampes acétylènes, qui sont assez capricieuses aujourd'hui, mais vous pouvez constater tout de même que l'animal a une croupe assez considérable, une croupe très arrondie, c'est tout à fait la croupe de l'ours, son garrot aussi, la bosse caractéristique de l'ours, mais ce qui déroute, c'est que l'animal n'a pas de tête. Oui. Il n'a pas de tête et il n'en a jamais eu, c'est-à-dire que les hommes préhistoriques n'ont pas figuré la tête de l'animal. Non pas qu'ils aient reculé devant la difficulté, mais là aussi nous nous trouvons en présence d'un rite magique. L'ours n'avait pas de tête, et à la place de la tête en argile, qui aurait dû exister, qui nous semble devoir exister, ils avaient greffé une tête d'ours en chair et en os, et avec la peau aussi, avec même toute la fourrure de l'animal, vraisemblablement. Et la preuve en est qu'en 1923, lorsque j'ai fait cette découverte, bien impressionnante, vous pouvez le croire, là, quand j'étais seul devant, en tête à tête avec cet animal, j'ai trouvé entre les pattes de l'ours un crâne d'ours qui avait anciennement été fiché sur la section du cou qui était patinée, qui était lisse. Oui, mais dites-moi, M. Casteret, qu'est-ce qui prouve l'authenticité, l'ancienneté, si je puis dire, de cette statue? Oui, nous nous trouvons là devant des modelages d'argile, n'est-ce pas? Et le doute est permis, je le reconnais pour un profane, n'est-ce pas? On se demande si ces modelages d'argile, comment ils ont pu se conserver pendant des siècles, des millénaires. Et la question s'était posée lors de la découverte en 1912 des bisons d'argile de la grotte du Puy de Doubert, qui avaient été découverts par le comte Bégoin et ses fils. Ils avaient découvert là deux bisons en argile, admirablement modelés, bien conservés, si bien conservés que des doutes même s'étaient élevés sur leur authenticité. Et ces doutes-là ont été levés lors de ma découverte de 1923, car ici, notre ours, vous pouvez le constater, n'est-ce pas, là, vous voyez, oui. la croupe de l'ours est stalagmitée. Il y a une couche de calcite, une pellicule de calcite qui est venue cuirasser l'animal et qui prouve bien que l'animal n'a pas été modelé aux époques modernes. C'est ça qui en fait l'authenticité. C'est ce qui fait l'authenticité. Oh, oui. Il sonne quand on le frappe, là. Et vous constatez aussi que l'animal est criblé de coups de flèche, et de coups de lance. Il a servi indubitablement, lui aussi, à des rites magiques d'envoûtement, envoûtement de chasse. Il faut imaginer là, n'est-ce pas, le sorcier de la tribu, car c'était toujours le sorcier qui venait faire ses incantations, qui venait avec un petit groupe d'initiés, les meilleurs chasseurs de la tribu, vraisemblablement, venait se livrer à ces rites d'envoûtement sur l'animal, à l'issue desquels on perçait l'animal à l'effigie, pour le lendemain assurer le succès de la chasse. De la chasse. Et c'est là tout le secret de la magie préhistorique. Eh bien, mais dites-moi, nos anciens n'avaient pas beaucoup le goût de la lumière, parce que réellement, pour venir faire leurs incantations et leurs séances, leurs fêtes ici, au fond de ce tunnel, il fallait qu'ils aiment le secret et le mystère. Ah, évidemment, c'est... Mais je crois que nous sommes là, alors, devant ce que l'on peut considérer comme l'une des plus gaies statues du monde. Ah, elle a été décrétée absolument la plus gaie statue du monde. Mais cette ours qui est là. Cette ours qui est là. Eh bien, c'est assez impressionnant. Cette ours qui est là et qui est entourée, quand nous n'avons pas toujours, il y a cette petite salle que nous appelons la salle de l'ours. Il y a d'autres modelages, plus petits, des bas-reliefs plutôt, qui parsèment le sol, certains à l'état de bosse tout à fait informe, et sur d'autres, celui-ci, tenez-là. Oui. Là, vous voyez, on reconnaît le galbe d'un cheval. Il y avait là aussi des chevaux qui étaient modelés, et ici, nous n'avons pas de blessures, nous n'avons pas d'estafilade, de coups de pieux sur ces animaux, car il s'agissait d'un animal d'abord inoffensif, et puis alors très utile pour l'homme, puisqu'ils en faisaient, c'était le fond de la nourriture. C'est ça. Alors, au contraire, là, il doit y avoir probablement d'autres envoûtements propitiatoires, cela, pour favoriser la reproduction de la race chevaline, tandis que pour les animaux féroces, il y avait un rite de destruction. Oui, je vois que le cheval a été surtout considéré par les anciens, c'était l'animal qui était le plus reproduit. Ah oui, par leur dessin. Car étant certainement avec le bison, le gibier le plus succulent. On ne mange plus ou peu maintenant de chevaux, mais à l'époque préhistorique, toutes les populations primitives ont un goût prononcé pour le cheval. Bon, dites-moi, M. Castoret, est-ce que vous n'avez pas trouvé des traces de mains ou des traces de pieds des anciens qui ont habité les cavernes, qui les ont pratiquées Vous en avez vu? Lorsque j'ai eu le privilège de rentrer le premier dans cette caverne, j'ai remarqué en effet des multitudes d'empreintes de pieds nus. Peu d'empreintes de mains, mais de pieds nus, sur l'argile. Certaines de ces empreintes étaient même calcifiées, ce qui authentifiait tout à fait l'ancienneté. Malheureusement, à la longue, n'est-ce pas, les visiteurs ont superposé leurs propres traces à ces empreintes-là et on ne peut plus, à présent, reconnaître celles qui sont anciennes de celles qui sont modernes. Mais il y avait des empreintes de pieds nus. Et quelle était la dimension de ces pieds par rapport, par exemple, à la pointure actuelle? Pour un homme, disons que la pointure normale, c'est 41, ah, oui. Pour une femme, c'est 37. Mmh. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé comme dimension des empreintes? À l'encontre de ce que l'on pourrait croire, n'est-ce pas, de ce que l'on croit communément, lorsqu'on parle d'hommes préhistoriques, on se figure toujours avoir affaire à des géants, et bien loin de là, la race préhistorique, les Magdaléniens chasseurs qui étaient ici dans la région pyrénéenne, étaient de taille tout à fait menue, à en juger du moins par ces empreintes préhistoriques, ces empreintes de pieds, qui sont nettement au-dessous de la moyenne, à tel point que l'on s'est même demandé si ce n'était pas des empreintes de pieds de femmes ou d'adolescents, ce qui correspondrait un peu au rite des sauvages modernes, actuels, n'est-ce pas, qui font leur cérémonie d'initiation vers l'âge de la puberté pour les garçons, dans les cavernes ou dans des lieux tout à fait reculés. Eh bien, écoutez, monsieur Castoret, je crois que nous sommes arrivés au bout de la caverne. Maintenant, nous devons revenir à notre point de départ, essayer de retrouver notre voiture et notre ingénieur du son, monsieur Pétain, qui est en pleine campagne, lui, en plein soleil. Mais je crois que l'on peut tirer la conclusion de ceci, c'est que les hommes qui vivaient il y a des milliers et des milliers d'années, qui s'abritaient dans cette caverne, eh bien, nous laissent assez de confiance sur la fin du monde, qui n'est pas proche, certainement. Eh bien, il faut reconnaître, on est obligé de constater que ces hommes, qui nous paraissent dans le temps si reculés, n'est-ce pas, étaient matériellement très en retard sur nous, puisqu'ils ne connaissaient, ils n'avaient fait que peu d'inventions, le feu, le langage, évidemment. Ils ne connaissaient pas les métaux. Tant qu'ils ne connaissaient pas les métaux, ils étaient voués à rester dans une situation misérable, mais ça n'empêchait pas ça, leur évolution intellectuelle, d'avoir été tout à fait normale et très développée. Et je n'en veux pour preuve, n'est-ce pas, que ces œuvres d'art que l'on trouve au fond des cavernes, ils possédaient vraiment un art animalier tout à fait avancé, remarquable pour l'époque. Eh bien, je vous remercie. Alors maintenant, essayons de regagner la sortie et de traverser encore une fois ces petites nappes d'eau. Oui, ils avaient regagné la sortie. C'était « Visite de la grotte de Montespan » par Jean Quittard avec le spéléologue Norbert Castoret. Première diffusion par la radiodiffusion française au cours de l'année 1945. Une émission que vous pourrez réécouter en ligne ou télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».